Je voudrais me promener avec toi dans un joli coin tranquille avec toi, car j'ai besoin de parler avec toi, loin un des bruits de la vie avec toi. Ne me fais pas ce cela, oui j'ai besoin de parler avec toi. Viens tout près de moi avec toi, on est bien tous les deux avec toi. Ne crois-tu pas avec toi que l'on peut être heureux? Et ce que je voudrais, dis-moi quoi? Ne devines-tu pas? Avec toi. Je voudrais me marier. Je voudrais me marier avec toi dans un joli coin tranquille avec toi, loin un des bruits de la ville avec toi. Ne me fais pas tout cela, oui je voudrais me marier avec toi. Je voudrais me marier avec toi dans ces jolis coins tranquilles avec toi, car j'ai tant besoin d'aimer avec toi, loin un des bruits de la ville avec toi. Ne me fais pas tout cela, oui je voudrais me marier avec toi. Je voudrais me marier avec toi dans ces jolis coins tranquilles avec toi. Je voudrais me marier avec toi dans un joli coin tranquille avec toi. Je voudrais me marier.